te fait ouais. Ou qu'elle comprenne nous qu'elle saisit. Bon, j'ai ça mon café. Si vous parlez, moi qu'elle t'attendait moi avec. Pas ni jour ne pas ni la nuit. Aïe aïe aïe. Belle créati si moi gade de yé. C'est pas qu'on yé. C'est bien ça blâme rache yo. La nous pepe si même bon grain pour nous choye. Si un jour matin moi levé. Et l'amour nous t'es en péril. En qu'est troussé, démanche moi pour m'en paix à sauver. Et pour qu'il y ait mon blé, puis explosé. D'après maman nous a passé. Faut nous tiens red pour y matcher. Après la pluie soleil toujours viré. La pluie mauvais temps, même si mouillé nous. Nous que chauffer comme nous doudou, nous que serré. Pour nous préserver l'amour nous. La pluie mauvais temps, même si mouillé nous. Nous que chauffer comme nous doudou, nous que serré. Pour nous préserver l'amour nous. La pluie mauvais temps, même si mouillé nous. Nous que chauffer comme nous doudou, nous que serré. Pour nous préserver l'amour nous. Pour serrer